When 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The red was to announce a new line of goods. Remember that museum of Piazza del Nettuno in Rome? There was a museum there, and I remember seeing a monk with a very amused expression on his face, watching the famous Greek spectacle. هذه الأيدي المتوازية شعلتني ولدت في إفريقيا، هذه الذاكرة التي لا تتزعزع، الصخرة السوداء هناك تلك أنا، هذا الجبل الرمادي الذي هناك هذا هو أبي يلمع فوق الوادي. في الليل وأنا في طريقي إلى مخيم نصف القمر هناك أراه جدي قادما نحوي، أحفر بأصابعي في الأرض، أزيح الحجر من الثرى وألوح به له، يلتفت بعيدا الوادي بأكمله يلتفت معه، أراه يمشي نحو النهر يسمع الغياب، إنه محارب أحيانا مكشوف وأحيانا مختبئ، تتحرك شظايا الوجوه بالتوازي، نحن لا نكون على طبيعتنا أبدا، نحن دائما لشخص ما، خدم وظلام عنيد. Yeah.

Thank you. Le groupe social a perdu, universellement et économiquement, est déshumanisé de notre musique dans la position d'enseignement. Exploration, torture, razzia, racisme, mutilation collective, oppression rationnelle se relaient à des niveaux différents, littéralement faire de l'autochtone un objet binaire entre les mains de la nation. Sans oppression et sans racisme, pas de blues. La fin du racisme sonnerait le glas de la grande musique noire. Comme le dirait le gros célèbre Tony D, le blues est une réponse de l'esclave au défi de l'oppression. Le racisme boursouffle et défigure le visage de la culture de la La littérature, les arts plastiques, les chansons qu'on mimait, les proverbes, les habitudes, les patères, soit qu'on se propose d'en faire le procès ou de banaliser restituer de racisme. C'est dur qu'un groupe social, un pays, une civilisation ne peut être raciste inconsciemment. Soit le racisme n'est pas une découverte accidentelle, ce n'est pas un élément caché. Dissimulé, il n'est pas exigé d'efforts surhumains pour le mettre en évidence. Le racisme crève les yeux, par précisément une entre dans un ensemble caractérisé, celui de l'exploitation éhontée d'un groupe d'hommes par l'autre, parvenu à un stade de développement technique supérieur. Avec le temps, tout cela disparaîtra. Ce pays est le vrai racisme. Il existe à l'ONU une commission chargée de lutter contre le racisme. Le poème est là. Le message est là. Le contact est là. Le contact est là. I used to put poems on the ground, hang them so the wind would make them all. The wind would have helped them all. So in other words, I don't have to be present there. The wind did it, actually. The sun was going on, you know, like he's left it there. And I had a lot of scrap metals from the machinery that I used in agriculture. Green. change my tongue. I dovetail my fireball musicality with transient linguistic alphabets. This fluctuating lingua franca ascends to inaudible cacophonic stratus, to dynamically subside to the faintest whisper. Excuse me while I change my tongue. Something be done about a planet like this, but you see it's getting worse and worse. They said dark is out before dawn. It must be near dawn for this planet, because it's bad everywhere you go. It's bad for people, but it's also bad for leaders. Hell, something isn't. I've been saying that for the last years. They're so busy looking at other people's faults, they can't see their own. This music is like a mirror. You keep on listening to it, and you can see something. You can see your altered self. You can see beyond tomorrow. You can discard the future. I'm talking about things like that because who needs a future that's bad? So I would say that if the future's bad for people, they should discard it. I am here because you were there. I am here. Très rapidement, ce projet il a été curaté et imaginé par Laura Bonnenbus, qui est ici présente, qui était chercheuse historienne de l'art à l'université de Vienne. Et nous retrouverons toutes ces personnes, un projet, donc une discussion autour des archives sonores, avec, organisée par Laura également, avec Maya Al-Khaldi qui est ici, Saruna qui est ici aussi, les deux artistes qui étaient sur scène, et Mazen Kebaj qui est quelque part peut-être. Il n'est pas là, mais il sera là, donc à 14h, une discussion autour de la thématique des archives sonores, de comment on les crée, comment on les utilise, comment on les transforme, à quoi elles servent, où elles vont, et comment elles peuvent être utilisées dans un cadre de résistance. Merci beaucoup pour votre présence, à tout à l'heure.